Jean Lorrain, Monsieur de Focas, 12e partie, le meurtre. C'était le tour des autres maintenant. La marquise de Bécoscombe était traitée au pastel, mais une énergie singulière, une espèce de frénésie, en avait comme écrasé et violenté les couleurs. C'est par traits brefs et saccadés que son buste plein jaillissait dans les zébrures de gris et de blanc mises là pour des cassures d'étoffe, les gros plis miroités d'une robe de satin. Étal avait dû la peindre dans la hâte et dans la fièvre. Des lueurs de perles indiquées, on eût dit à la craie, couraient dans les étoffes. C'était le fer sûr et hautain, presque bâclé dans le dédain des détails d'un Antonio Moro ou d'un Goya. Antonio Moro. Et à la dérobée, je ne pouvais m'empêcher de regarder Claudius. Il était bien les phares en sosie du gnome, encapuchonné, du maître flamand. Sous le frac de soirée, puisque nous devions dîner ensemble, il imposait à crier le souvenir du portrait du Louvre. C'était bien là la tête énorme, l'encolure épaisse, le torse trop long sur les jambes trop courtes, le je ne sais quoi de tortue et d'oblique qu'Antonio Moro a mis dans son nain. Ses sourcils en broussailles et ce nez renifleur étaient ceux du bouffon du duc d'Albe, du bouffon surtout la malice embusquée sous les paupières pesantes. Et c'est cette malice attentive à mon examen qui lui faisait, j'en suis sûr, donner la pose même du portrait, et qui le guindait prétentieux et campé, le poing sur la hanche, pendant qu'il me détaillait les beautés de la Bécocosme et me les désignait de son horrible main. « La plus belle des trois !» déclarait le peintre, en me promenant presque à la hauteur des lèvres, les pâleurs nacrées de ses énormes bagues. « Regardez-moi la splendeur de cette chair. C'est le triomphe de la carnation blonde, des chairs de parvenus, car l'appauvrissement d'une fin de race n'y a pas encore mis les tons blais, violacés ou verdâtres, chairs à vendique, comme à Velasquez. C'est du sang de trappeur et de jeunes matelots qui fleurit sous cette peau de millionnaire. Mais il y avait en elle un tel désir et une telle volonté de précipiter les choses et de rattraper par elle-même le temps perdu chez ses auteurs. Elle avait la vocation du snobisme. Elle courait à l'éther, à la morphine, aux veilles à l'insomnie, comme d'autres chez les couturiers. Je lui avais persuadé que cela nacrait, affinait et fanait exquisement les joues et les yeux. Elle aspirait de toute son âme à perdre sa fraîcheur. Quelle dinde! Froide à donner l'onglet à un Parisien d'août, elle aurait pris comme amant le dernier Irlandais des quais aussi tranquillement que le plus beau des Horse Guards, si j'avais voulu lui persuader qu'il était du dernier swell de le faire. Elle me prenait pour l'arbitre des élégances et tout son hôtel de Piccadilly empestait la tubéreuse et le lilium parce qu'elle en avait vu chez moi. Elle était cubiquement bête. Oh, les heures pesantes de ces séances quand elle venait donner la pause. J'espérais toujours qu'elle finirait par prendre mal et défaillir dans cet atelier, bondé de fleurs. Mais elle avait un tempérament de cheval, ses yeux seuls pâlissaient, et elle demeurait rose de ce temps ferme et inaltérable de pétales de camélia. Elle m'a bien assommé. Ce sont ses médecins qui lui ont interdit mon atelier. D'ailleurs, vous voyez, aucun mystère, aucun charme dans ses prunelles, pourtant d'un assez beau violet. C'est la grosse perle sans orient qui ne se nacre que lorsqu'elle va mourir, un superbe lys de pleine terre. et nous n'aimons que ce dessert chaud. Ce qu'elle doit ennuyer maintenant les Chinois. Ah, ça n'est pas l'attirance de ce petit buste. Et négligemment, il posait sa main sèche et griffue sur la face de Sir D'Angelotto, le buste italien, qu'il avait sorti de son retrait et que je n'avais pas encore remarqué. Angelotto, c'était son orgueil et son triomphe. Il y avait toute une agonie dans cette œuvre. Il l'avait modelée avec une joie savamment prolongée de lentes souffrances et d'affreuses terreurs, et sous ses doigts larmés de perles énormes, la face de douleur du petit modèle phtisique semblait se crisper et pâlir. Celle-là, c'est tout autre chose, faisait Étal en se décidant à retirer sa main. Que dites-vous de cette physionomie? C'était une toile tout en longueur, encadrée d'argent, comme certains tableaux de Potsdam et des musées royaux d'Allemagne. Une toile, on eût dit, envahie d'ombre et qu'un soupirail invisible éclairait. Intérieur de crypte ou boudoir funèbre, assise sur un sommet tendu de satin, bleu glacé, gainée elle-même dans un fourreau de satin lunaire, une énigmatique figure de femme s'y découvrait. L'air d'une impératrice Joséphine dans sa robe du Premier Empire. Le chignon haut, étoilé de turquoise, très immobile et très nu. La chair des bras et des épaules avait l'éclat morbide et froid du nénuphar. Une ceinture d'émail soutenait la gorge haute, et dans la face extasiée et raidie s'irradiaient deux larges yeux, deux immenses prunelles d'un bleu liquide et sombre. C'était l'ovale exquis d'un visage de nymphe, mais c'était la pâleur inspirée d'une sibylle. Le regard agrandi d'une prêtresse qui voit le Dieu. Une chevelure brune coiffait la femme de nuit. Oh, le rythme de cette pose avec l'écartement des deux bras, appuyant leurs mains sur le sommeno. L'angoisse hallucinée de toute cette figure attentive, le dessin effilé de ses doigts, et la courbe lente, comme d'un coup de cygne, de ses bras frêles, l'étrange caractère d'hypnose de cette petite Diane du consulat. N'est-ce pas qu'elle est bien lunaire et nocturne parmi toutes ces luminosités bleues ? Soulignait une voix tout à côté de moi. Et c'est bien le cadre qu'il fallait, à la fois pompeux et glacé. Pas sinistre, mais funèbre, à cette petite nymphe de l'Érèbe. L'arc de la bouche. L'avez-vous remarqué? Eh bien, cet hécate aux trois visages, cette petite prêtresse d'Artémis en tauride, cette Iphigénie de Gluck, c'est la sœur de Welcome, la marquise Eddy, en personne. Vous ne trouvez pas qu'elle lui ressemble? Regardez donc ses yeux. Cet homme, il parlait haut dans mon âme. C'était ma pensée même qui l'articulait. Maintenant qu'il m'avait fait les honneurs du portrait, quelle infamie allait-il me débiter sur la femme? Et je me rappelais l'hallucinante fumerie de l'opium donnée dans ce même atelier, et les affreuses histoires complaisamment bavées sur toutes les invitées de ce soir mémorable. Pas une n'avait trouvé grâce. Et depuis l'inceste de Maud White jusqu'au passé vénal de la duchesse d'Altornshire, toutes les boues, toutes les ignominies et toutes les luxures avaient été lentement remuées par cet Anglais abominable, éclaboussant tour à tour la marquise Neidorf et les princesses de Seriman Frileuse et Olga Mirjaninska. De toutes les femmes rencontrées chez lui, ce soir-là il avait dégagé autant d'effarantes silhouettes, des formations presque géniales d'observateurs et de visionnaires, et à un moment donné, au milieu d'une assistance de goules et de larves créées par son imagination, il avait pu sans trop d'invraisemblance me souffler à l'oreille « Nous sommes au sabbat, sûr d'une atmosphère de cauchemar. » D'ailleurs, ce soir-là, chez Étal, les mâles valaient les femelles, les femelles, les mâles. Le troupeau de Freddy Chapman et des Anglais, poncés et fleuris de gardenia, tous plus ou moins en fuite de Londres, n'avait rien à envier au trio des grandes dames étrangères, et comme réputation, comte de Muserey et princesse de Frileuse pouvait se donner la main. Mais du moins, ce soir-là, les odieux propos chuchotés étaient-ils justifiés par l'allure des gens et la notoriété des tares? C'en est non. La haute situation nobiliaire et la fortune des uns et des autres, une descente de police eût été tout indiquée chez Étal. Ses invités, je n'avais eu qu'à les regarder pour comprendre à quel point Claudius avait dit vrai en me conviant à venir voir quelques monstres. D'ailleurs, il avait dû leur chuchoter la même formule en parlant de moi. Je faisais partie de sa collection, et nous étions tous de vieilles connaissances, ou pis, destinés à nous connaître dans le vertige. Hélas, si limités de notre cycle infâme. Mais toute la ménagerie réunie, cette nuit, chez Claudius, avait bec et ongles, et pouvait se défendre. Je sais bien que tous les fauves dans la civilisation sont domptés par la peur ou par les intérêts, et que l'hypocrisie met des masques humains aux gueules comme aux mules. Et cette nuit-là, la vanité les tenait tous en laisse, toutefois tous prêts à mordre en brisant entraves et muselières, si le dompteur était allé trop loin. Et j'avais supporté Étal dans ce rôle de montreur de bêtes, car ces monstres vivaient. C'est à contempler des images et des fantômes que Claudius me conviait maintenant, dans l'or fluide de cette fin de belle journée de mai. Trois portraits de femmes, presque trois portraits de mortes, puisqu'une déjà défunte et l'autre agonisante. Le décor était le même, et dans cet atelier illuminé de floraisons blanches, Étal recommençait et continuait son œuvre de destruction. Il souillait et salissait à plaisir la mémoire et la réputation de ces femmes. Avec une joie iconoclaste, il remuait de la boue sur leur avenir, en entassait sur leur passé, et c'était comme des immondices jetées à pelleter sur des lys, des coups de pioche à même des précieuses choses fragiles, impeccables et blanches, que chaque parole brisait, polluait, effritait. Oh, ce massacreur d'âmes et de fleurs, cet éveilleur de tares, ce féroce et joyeux faucheur d'illusions, ce tueur de rêves, ce semeur de doutes, ce fauteur de désespoir, qu'allait-il me dire sur Lady Kernebee? De quel stigmate allait-il marquer ce fatal et doux visage, dont les larges prunelles me rappelaient si douloureusement celles de Thomas? Et ma peur d'entendre d'irréparables choses me faisait supplier moi-même. Pas celle-là, non, de grâce, ne touchez pas à celle-là. Il l'avait gardée pour la dernière comme une proie de choix, et sûr de ses effets, en artiste qui ménage et prépare son public, il s'asseyait sur un divan, me faisait signe d'y prendre place, et après une pause, celle-là scandait d'un air entendu, et ses mots comme découpés à la porte-pièce, sonnait étrangement dans le silence. Celle-là, c'est la digne sœur de notre cher Welcome. Et sous les paupières lourdes, ses petits yeux brillaient, riaient d'une joie féroce. Il sentait qu'il me faisait mal, et toute sa face de gnome s'en était illuminée. Il savourait mon angoisse et de nouveau se taisait. Thomas, c'est son frère naturel, je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Et frère de mère, ce qui est toute une histoire. La grossesse de Georgina Meldon a été un des grands scandales de la société anglaise il y a 30 ans. Un jeune fermier irlandais en fut l'auteur. Il fait très chaud en août en Irlande, et la famille de Georgina passait l'été dans ses terres. On n'épouse pas un fermier. La jeune fille à l'affaire s'écouche au printemps suivant en Écosse. Thomas Welcome, Irlandais de père et Écossais de naissance. La marquise Eddie n'en est pas moins la fille très légitime du comte Reginald de Sussex. Cette Georgina était si belle. Il faut bien que je vous explique les atavismes. je ne l'écoutais plus, tout en parlant les reins à côté au coussin du divan. Étal avait étendu le bras, et machinalement sa main s'était reposée sur la chevelure de cire peinte du buste italien. Il trônait là sur un pied douche, à quelques pas de lui, et je ne voyais plus que cette main, bossuée de métal et de nacre, les doigts crispés, autant de griffes, pétrissait le front bombé d'Angelo Otto. C'était une serre de vautours abattue sur l'effigie du pauvre enfant. Au milieu de toutes ces perles, l'émeraude empoisonnée, tel un œil, luisait, et sous l'étreinte de la main cruelle, il me semblait voir la face douloureuse se convulser lentement et souffrir. Étal débitait toujours ses infamies. Que disait-il? Je ne sais plus, mais sombré dans une espèce d'hallucination, je voyais successivement entre ses doigts de volonté et de fièvre, d'autres faces connues se faner et pâlir, et c'était l'ovale aminci et les grands yeux de bleuet de la petite duchesse, et c'était la splendeur de fleurs roses de la Bécoscombe, et c'était enfin le visage de pâleur et les yeux d'extase de la marquise Édith. Oh, cette main d'empoisonneur refermée sur toutes ses tempes douloureuses et meurtries! Des lividités semblaient couler le long des bagues humides, telles d'innommables sueurs, et quand, dans cette armure de joyaux, blême, je vis, après tant d'agonie, surgir la face défaite et les yeux d'épouvante de Thomas, lui-même, je me levai dressé dans un sursaut d'horreur. Haine ou horreur, horreur et haine, et sans savoir pourquoi, poussé par une volonté étrangère à la mienne, je me jetai sur Étal, et d'une main, lui maintenant le front renversé, lui pétrissant à mon tour et cruellement les cheveux et le crâne, de l'autre, je me saisis de son horrible main aux plus horribles bagues, et la lui entrai violemment dans la bouche, sa bouche salissante, pleine des noms de Thomas et d'Édith, et ravi à mon tour de voir ses petits yeux s'agrandir d'épouvante. Je heurtai brutalement le chaton de ses bagues à l'émail de ses dents, et j'y brisai en trois coups l'émeraude vénéneuse. Étal, arc-bouté sur ses reins, essayait de se lever et cherchait à mordre. Il ne mordait que ses doigts, le misérable. Sa main restée libre m'avait saisi au cou et s'efforçait de m'étrangler. Mais je lui tenais toujours la tête à la renverse et la contraignais à boire. La gemme brisée était vide, sa main ne me serrait plus que faiblement. Une sueur lourde perlait sur sa face. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait comme un soufflet de forge. De prunelles vitreuses avaient roulé, telles deux billes, vers les tempes tout à coup creusées. Puis elles chavirèrent sous les paupières qui ne continrent plus que du blanc, et tout ce corps crispé se détendit. Actum est. Autour de moi, c'était la veillée blanche et funèbre des fleurs. La tête gisait sur l'épaule, la bouche hideusement ouverte. La main au bague avait glissé sur la poitrine. Je la posai à côté de lui sur un coussin. La duchesse de Surlay souriait dans son cadre. La Bécoscombe se cambrait, hautaine, hors des zébrures des étoffes. Le regard de Welcome me suivait à travers les yeux de la marquise Édith, à la fois atterrée et complice. Et je ne regrettais rien. Je défripai mon devant de chemise, renouai tranquillement ma cravate, ouvrit la porte de l'antichambre et descendit l'escalier. Chapitre dernier, la déesse. 29 mai 1899. 6 heures du soir, je sors de l'atelier d'Étal. J'y étais confronté avec le cadavre. Je dis confronté. Confrontation est un bien gros mot, puisque l'ombre d'un soupçon ne m'a même pas effleuré. et que j'ai été appelé là comme ami du mort, prié par le commissaire d'éclairer, de renseigner la justice sur les causes hypothétiques de ce mystérieux suicide. Car pour tout le monde, il y a eu suicide. Le chaton brisé de la bague en a témoigné, les médecins ont déclaré une intoxication de curare, et la décoration même de l'atelier, cette apothéose de tubéreuse et de lilium entassée autour du corps, comme pour une veillée funèbre, ont été pour le commissaire l'indice d'une préméditation. Pour la justice aujourd'hui et pour tout Paris demain, Claudius Étal, anglais splinétique et artiste bizarre, s'est donné volontairement la mort en absorbant le contenu d'une bague empoisonnée. L'amoncellement voulu de fleurs rares, la présence dans l'atelier des trois portraits auxquels le peintre attachait le plus de prix, vont corroborer chez tous l'opinion du suicide. Et moi, le meurtrier, le seul auteur du crime, je ne serais même pas inquiété, et je n'ai rien fait pourtant pour établir mon alibi. Au moindre soupçon, à la moindre équivoque, j'aurais avoué, j'aurais crié hautement mon acte qui est justice, puisqu'il n'est pas puni. Je suis un justicier. Étal devait mourir. Il avait comblé la coupe. La preuve en est dans le sang-froid quasi somnambulique avec lequel j'ai accompli l'acte, presque sans m'en douter. Même jour, 11 heures du soir, je viens de relire mon manuscrit. Comme je me disculpe à mes propres yeux, que de peine je prends pour excuser mon acte qui est un crime, puisque depuis ce matin je compose mon attitude et mes gestes comme un comédien, égarant à plaisir l'opinion de la justice dans le sens favorable à ma liberté. Et cette version du suicide, c'est moi-même qui l'ai imposée en laissant entendre qu'Étal était désespéré de ne pouvoir reprendre ses pinceaux. Et pour accréditer cette légende du peintre, ne voulant pas survivre à son talent, n'ai-je pas communiqué au commissaire la lettre par laquelle Claudius m'invitait à venir chez lui admirer ses portraits? C'est cette lettre de fou, entendons-nous bien, fou pour un commissaire de police et non pour un artiste, qui a fait conclure au suicide autre folie. Cette lettre, j'ai tout de suite senti de quelle utilité elle pouvait être. Aussi, quand à 2 heures cet homme de la police s'est présenté chez moi en me priant de le suivre rue Servandoni, je me suis bien gardé de la porter sur moi. J'aurais eu l'air de m'être muni d'une preuve. Tranquillement, j'ai été la remettre dans la poche de mon habit. Et puis, froidement, j'ai suivi l'homme sans plus lui demander le pourquoi de sa visite que l'utilité de ma présence rue Servandoni. Ce n'est qu'en arrivant devant la maison de Claudius que j'ai cru devoir m'émouvoir. Serait-il arrivé quelque chose à Monsieur Étal? Et l'homme gardant le silence, je me suis précipité dans l'escalier. La porte était ouverte. J'ai bousculé un agent dans l'antichambre et je me suis rué dans l'atelier. Rien n'avait bougé. On avait même respecté la position du cadavre. La bouche demeurait grande ouverte, avait légèrement noirci. Les muqueuses étaient devenues bleues, et sous les lourdes paupières tuméfiées, comme de l'argent bruni luisait. La main raidie pesait sur le coussin, à la place où je l'avais posé. Le commissaire, un groupe d'agents et de médecins se levaient à mon entrée, le dos tourné au portrait de la duchesse de Surlay. Alors, calculant tous mes effets, je m'arrêtai, étranglai un cri, saluai rapidement les gens assemblés, balbutiai des messieurs, messieurs, et courant à Claudius, le prenais dans mes bras, et brusquement, cherchais des yeux sa main, la saisissais dans la mienne, et découvrais la bague. Alors, avec un grand geste découragé, je laissais retomber cette main. « Vous deviez passer la soirée ensemble, je crois, monsieur, » me demandait le commissaire. « N'êtes-vous pas venu hier vers 6 heures dans cet atelier ?»« Mais parfaitement, monsieur. Étal était arrivé le matin même de Nice et m'avait prévenu par une lettre. Je crois même l'avoir sur moi. » J'esquissai le geste de la chercher. Étal était désireux de me faire voir ses portraits. Il venait de gagner un procès qui lui en rendait la propriété. Déjà depuis un an, Étal ne peignait plus. De grands ennuis qu'il avait eus à Londres l'avaient découragé. Bref, C'était une joie pour lui que d'être rentré en possession de ses œuvres. Il y attachait une importance énorme. Connais-je sa lettre? D'où ce décor enfantin de fleurs? Hier, c'était fête dans cet atelier. Et c'était de ma part toute une trame ourdie de mensonges, toute une combinaison de convaincantes vraisemblances débitées avec un sang-froid dont je m'émerveillais. J'étais comme dédoublé, et il me semblait assister en spectateur à un drame judiciaire dont je dirigeais moi-même l'intrigue, les jeux de scène et jusqu'aux gestes des acteurs. Le commissaire et les médecins semblaient s'être donné le mot pour me donner la réplique. Et quant à l'interrogation réitérée, « Ne deviez-vous pas dîner ensemble ?» J'eus répondu, « Sans doute, il a encore son habit. Nous devions passer la soirée tous les deux. Mais au moment de sortir, Étal se déclara fatigué. Il avait passé la nuit en chemin de fer, l'odeur de ses fleurs peut-être, la grande émotion de ses tableaux enfin reconquis. Bref, il me priait de l'excuser et de le laisser seul. Nous devions nous retrouver ce soir. Alors, rien ne pouvait vous faire prévoir, monsieur, la détermination prise par votre ami. Rien, absolument rien, j'en suis atterré, abasourdi. Ne parliez-vous pas d'une lettre? En effet, la lettre par laquelle Étal m'invitait à venir voir ces tableaux, je l'ai laissée chez moi, je la tiens à votre disposition. Nous vous serons obligés de nous en donner connaissance, monsieur. Veuillez nous pardonner le dérangement, vous seul pouviez nous donner des renseignements précieux sur le mort. Vous pouvez vous retirer. Et ce fut tout. Dans le vestibule, William, le valet de chambre d'Étal, arrivé la nuit même de Nice, se précipitait au-devant de moi. « Ah, monsieur, qui aurait pu prévoir, dire que je l'ai trouvé en descendant de la gare? Si j'avais pris le même train que lui, rien de tout cela ne serait arrivé. » Il faudra mettre une religieuse auprès de lui, William. Non, je veillerai, monsieur, tout seul. Madame va arriver, sans doute. Madame? Mais oui, la mère de monsieur Étal. Nous ne faisons que télégraphier depuis ce matin. Madame? Étal avait une mère. Il ne m'en avait jamais parlé. Et j'ai privé cette mère de son fils. Ça a été la seule minute d'émotion de la journée. J'ai dit quelques bonnes paroles à William et je suis parti. Je ne me reconnais plus. Ma sensibilité est tout à fait annihilée. Jamais je n'ai été aussi calme. Est-ce le meurtre qui a développé en moi cette puissance de sang-froid et cette singulière énergie? Et jusqu'ici pas un remords. La conscience, au contraire, s'affirmant d'heure en heure d'un acte de justice accompli. 30 mai, 9 heures du matin. Où étais-je? D'où sortaient ces tronçons de portiques et ces longs fûts de colonnes dressées à l'infini? Que de décombres, mon Dieu! Et ces vieilles statues mutilées et ces socles dans le sable, comme il y en avait, comme il y en avait! Où donc avais-je déjà vu cette ville de ruines? Et pas une herbe, pas un lierre. Du sable et du sable toujours, c'était une étrange solitude. Pas un oiseau dans l'air, et quel silence, et comme l'air était doux! Et j'aimais cette ville morte, transparente de lune, et l'immatérielle pureté de cette nuit. Le porphyre des colonnes y avait des reflets si limpides, et rien ne bougeait dans les ténèbres. C'était un calme délicieux, immobilisant à l'infini des stèles, des pilastres, des pylônes et des portiques. Et peu à peu des froissements de plumes frémirent autour de moi et m'étonnèrent sans m'effrayer. Mais d'où pouvait-il venir, puisque la ville était morte et qu'il n'y avait pas d'oiseaux? Et dans la même minute, comme de glauques pierreries, pâlirent dans les ténèbres, et je crus à quelques flaques d'eau reflétant des étoiles. Mais il n'y avait pas plus d'eau dans ce désert que d'étoiles dans ce ciel. Et des souffles, des mots à peine murmurés bruirent à mes oreilles, des phrases caresseuses, épelées dans un idiome inconnu. Et j'aimais ce chuchotis aux consonnes atténuées, aux voyelles si douces que je ne comprenais pas. Et les portiques, les stèles, tout à coup, se peuplèrent. Était-ce des cariatides qui s'étaient animées? Jamais je n'avais vu de si doux visages de femmes. Elles s'approchèrent en cercle autour de moi, et tout à coup se tinrent immobiles. Elles étaient couleur de cendre et mitrées, coiffées de tiares en cône comme les prêtresses d'Indra. Je n'avais pas peur et pourtant je frissonnais, mais d'un frisson voluptueux aigu qui n'était pas de l'épouvante. J'avais déjà vu ces figures quelque part. Oui, j'avais déjà vu ces lourdes paupières ourlées et ces sourires triangulaires. Mais où cela? Somnolente et ironique, elle se balançait maintenant autour de moi. Et ce que j'avais pris pour des bruissements d'ailes était le crissement de longues pendeloques d'émeraude et de métal, cliquetant le long de tuniques de soie. Leur nudité était cuirassée de joyaux, des anneaux d'émail, des pectoraux de gemmes, et traînaient leurs chevilles et leurs seins. Tout à coup, d'inattendues phosphorescences s'allumaient dans leurs yeux. Des profondeurs sublimes transfigurèrent tous ces visages dont les tiares furent illuminés, et puis tout s'évanouit. Je savais maintenant à qui elles ressemblaient. C'était autant de Salomé dansante, la Salomé de la fameuse aquarelle de Gustave Moreau. Quant au regard lumineux, aux prunelles phosphorescentes, c'étaient les yeux d'émeraude dits de l'idole d'Onyx, de la petite Astarté de la maison de Woolwich et de mon parloir. Jamais je n'ai eu un si doux rêve. Paris 5 juin 1899. Depuis 3 jours, c'est l'ignominie des articles et des premiers paris sur Étal. Toutes les boues remuées, toutes les misères de sa vie fouillées, mises au jour comme au temps d'épave, avec le stock des anecdotes vraies ou fausses et des légendes colportées depuis 15 ans sur l'homme et sur le peintre. Son talent même est contesté, et là je reconnais l'influence des confrères. Des femmes sont mêlées à ces histoires, dont l'incognito est à peine respecté. À celles-là, on ne pardonne pas la vogue de leurs portraits. Les initiales les dénoncent. Dans quelques-uns de ces articles, mon nom est prononcé. On me cite comme l'ami du mort, et toutes les hontes ressuscitées autour du cadavre rejaillissent aussi sur moi. Quelle humanité de hyène! Et comme il avait raison de les mépriser, de les foyer de ses sarcasmes, et de les braver de toutes ses folies d'excentrique, ses faméliques rôdeurs de cimetière, qui, le cercueil à peine fermé, viennent flairer et mordre le corps encore frais. Cela a été un suicide bien parisien, comme l'a écrit un imbécile. Imbéciles tous et lâches et curieux de scandale, et les misérables en vivant. Quel article nécrologique me réserve-t-il? Mais ils n'auront pas le plaisir de me l'écrire. J'ai assez de ce Paris de snob et de cette vieille Europe routinière et pourrie. Le meurtre d'Étal m'a libéré, éclairé. Je me suis reconquis et je suis bien moi. Welcome avait raison. Voyager et vivre avec ferveur une vie de passion et d'aventure, s'anéantir dans de l'inconnu, dans de l'infini, dans l'énergie des peuples jeunes, dans la beauté des races immuables, dans la sublimité des instincts. Je vais réunir mes hommes d'affaires, tout liquider, tout quitter, partir. Paris 9 juin. Il n'y a pas à dire. J'ai eu cette nuit plus qu'une vision. Un être inconnu, de l'invisible et de l'intangible, s'est manifesté. J'étais couché et ne dormais point. Je m'étais même couché de bonne heure, ayant dans la journée, suivant l'ordonnance de Corbin, fourni une longue marche, tenté de briser mes nerfs par une fatigue saine. Elle m'est apparue. Ma lampe était allumée, ma table de chevet sur mon lit, un livre devant moi, donc je ne dormais pas. C'était une figure nue, de taille moyenne, plutôt petite et d'une pureté de ligne incomparable. Elle se tenait debout au pied de mon lit, légèrement renversée en arrière et comme flottante dans la chambre. Ses orteils ne touchaient pas le sol. Elle paraissait dormir. Les paupières baissées, les lèvres entr'ouvertes, sa nudité s'offrait, abandonnée et chaste. Ses bras nus, croisés sur sa nuque, soutenaient sa tête en extase, et la cambrure de son torse s'en effilait, ponctuée aux aisselles de rouille. C'était une vision délirante. Sa chair avait des transparences de jade. Mais de son front diadémé d'émeraude, voltigeait et coulait un voile de gaz noir, une vapeur de crêpe qui dérobait le sexe et s'enroulait aux hanches pour se nouer comme un lien autour des deux chevilles, aggravant de mystère la pâle apparition. Et j'aurais voulu connaître le regard caché sous ses paupières closes. Un secret pressentiment me disait que cette nudité léthargique possédait l'énigme de ma guérison. Cette figure en extase de morte amoureuse était la vivante incarnation de mon secret. Et ces mots frémirent à mon oreille. Astarté, Acté, Alexandrie. Et la figure s'évanouit. Astarté, le nom de la Vénus syrienne. Acté, celui d'une affranchie. Alexandrie, la ville des Ptolémées, des courtisanes et des philosophes. Astarté, le nom d'un démon aussi. Paris, 28 juillet. Je pars demain pour l'Égypte. Ainsi finissait le manuscrit de M. de Phocas. Fin.